Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Vel Kur'anil Mecid. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Kaf. Par le Coran glorieux. Bel ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafirun hadha shay'un ajib. Mais ils s'étonnent que l'un des leurs leur vint comme avertisseur, et les mécréants dirent : ceci est une chose étonnante. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Quoi ? Quand nous serons morts et réduits en poussière, ce serait revenir de loin. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Certes, nous savons ce que la terre rongera d'eux, de leur corps, et nous avons un livre où tout est conservé. Plutôt, ils traitent de mensonge la vérité qui leur est venue, les voilà donc dans une situation confuse. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et embelli, et comment il est sans fissure ? والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. Et la terre, nous l'avons étendue et nous y avons enfoncé fermement des montagnes et y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. À titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Ainsi que les hauts palmiers au régime superposé. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. Comme subsistance pour les serviteurs, et par elle l'eau, nous avons redonné la vie à une contrée morte. Ainsi se fera la résurrection. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. Avant eux, le peuple de Noé, les gens d'Arras et les Thamoud, crièrent au mensonge. وعاد وفرعون وإخوان لوط. De même que les Had et Pharaon et les frères de Lot. Et les gens d'Al-Aïkia et le peuple de Touba, tous traitèrent les messagers de menteurs. C'est ainsi que ma menace se justifia. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Quoi ? Avons-nous été fatigués par la première création ? mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. Et l'on soufflera dans la trompe. Voilà le jour de la menace. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. Alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Tu restais indifférent à cela? Eh bien, nous ôtons ton voile. Ta vue est perçante aujourd'hui. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. Et son compagnon dira, « Voilà ce qui est avec moi, tout près. » Vous deux, jetez dans l'enfer tout mécréant, endurci et rebelle. Acharné à empêcher le bien, transgresseur, douteur. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Celui qui plaçait à côté d'Allah une autre divinité, jetez-le donc dans le dur châtiment. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Son camarade, le diable, dira « Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était déjà dans un profond égarement. » Alors, Allah dira « Ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. » ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Chez moi la parole ne change pas et je ne prime nullement les serviteurs. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Le jour où nous dirons à l'enfer es-tu rempli, il dira y en a-t-il encore? Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Qui redoute le tout miséricordieux bien qu'il ne le voit pas et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. Entrez-y en toute sécurité. Voilà le jour de l'éternité. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Et il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront. Et auprès de nous, il y a davantage encore. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. Combien avons-nous fait périr avant eux de générations bien plus fortes qu'eux? Ils avaient parcouru les contrées cherchant vainement où fuir. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Endure donc ce qu'ils disent et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. Et célèbre sa gloire une partie de la nuit et à la suite des prosternations, prières. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. Et sois à l'écoute le jour où le crieur criera d'un endroit proche. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Le jour où ils entendront en toute vérité le cri, voilà le jour de la résurrection. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. C'est nous qui donnons la vie et donnons la mort. Et vers nous sera la destination. Le jour où la terre se fendra, les rejetant précipitamment, ce sera un rassemblement facile pour nous. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Nous savons mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace.